Il y a personne ce matin? Charline, assieds-toi. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé Mike Brandt, il est vivant, non, c'est non, ça? Non, non, c'est pas ça, mais les garçons ne viennent pas aujourd'hui. Quoi? Non, mais je le savais, j'aurais dû les assigner à résidence. Bon, bah, voilà. C'est quoi l'excuse? Bah, hein, on savait pas comment te l'annoncer. Ouais. Alors, comme on a croisé Daphné Roulier dans le couloir. Elle, elle a du tact, elle va t'expliquer. Ouais. Mm-hmm. Bonjour Charline. Mais bonjour Daphné. Allonge-toi, on va en parler. Mais parler de quoi? Bah, de cet effet castrateur. Ah bah, oui. Non, mais tu sais, ça doit venir de l'enfance. Mais quoi ça, enfin? Détends-toi, on va en parler. Bah, moi, j'ai un effet castrateur. Du calme, bijou, du calme. Non, mais regarde Alex, enfin, il n'y a pas plus épanoui qu'Alex, il n'y a qu'à voir ses chemises à fleurs. Bah justement, Alex est venu me consulter. Ah bon? Mais pourquoi? Nabila, ça te dit quelque chose? Ah d'accord, oui, je vois, monsieur Vizorek ne lâche pas l'affaire. C'est oui, ça. Il est venu se plaindre. Mm-hmm. Tu refuses toujours Nabila dans l'émission. Bah, et c'est castrateur, ça. Ah, quand tu le menaces de le décapiter, oui, un peu. Bon, bah, et Guillaume, c'est quoi son problème alors? Je crois qu'il s'agit encore de Nabila, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec cette Nabila, bon sang? Charline, calme-toi, pense à Guillaume qui est traumatisé. Ah, quoi? Lui aussi, je l'ai castré alors. Ah bah oui. Et pour lui, tu es carrément allé à la faucille au marteau. Ah oui, ouais, j'ai remarqué. Ouais, moi aussi. Donc, est-ce qu'il est là, Fromé? Salut, Charline. Ah, bah toi, tu vas pas me dire que je t'ai castré. Ah, ça, on sait pas. Il a pas encore mué. Tiens, tu vas pas lui jouer un petit truc, là? Ah, ça va à détendre. Oui. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Non, mais tu vois, pour chanter comme ça, tu l'as castré, hein, c'est sûr. Ah, bah oui, alors d'accord, je vais plutôt mettre Fred en valeur. Alors, mon Fred chéri, est-ce que tu pourrais me jouer un air de guitare, s'il te plaît? Sans contrefaçon, je suis un garçon. Ah, ah ouais, ça marche, ouais, hein, ouais, ouais. Ah, bah tu vois, tu progresses. Bon, sinon, tu peux me régler par chèque, hein. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui survole l'actualité et voici les trois informations qu'on va parachuter sur l'antenne jusqu'à 18h. État d'urgence, chômage record, menace Front National, joyeux Noël! Oui, rappelons que les régions qui ont doublé de volume, alors est-ce que les abstentionnistes vont avoir un sursaut citoyen pour les élections? Je m'en fous comme de l'an 40. Mais alors je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre. Bernard Tapie a écrit un nouveau chapitre de son Odyssée judiciaire. Enfin, cette fois, c'est le tribunal public qui a repris le scénario en main. Nanar est ruiné, le juge n'a pas été tendre. Mais sinon, qu'est-ce qu'il t'a fait, Tapie? Il a niqué ta gonzesse, c'est ça? Le Pirelli est à venir, c'était le sujet d'hier. Il n'est pas venu, mais on va remettre aujourd'hui le fameux calendrier. Rabille les filles et met en valeur des parcours. Cette fois, c'est Yoko Ono ou Patti Smith qui pose, quoique Yoko Ono pose en barésie. C'est que cette tenue, mais t'as perdu la boule, la Francine. On voit tes deux nichons comme si t'avais le cul à l'air. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés Mélanie Boer, bonjour. Bonjour, et moi, parce que ça paraît tellement frivole de consacrer sa vie à comprendre le travail des chanteurs, aujourd'hui, le mot du jour, ce sera, en honneur de, pour notre invité, ce sera groupie. Groupie, très bien. Samir Boisdi, bonjour. Bonjour, bah, puisque c'est le week-end du Téléthon, je vais donc vous parler de Marine Le Pen, puisque personne n'en parle dans les médias, puis je vais aussi parler d'handisport, puisque non, personne n'en parle pour de vrai. Et il y a un lien entre les deux? Non. D'accord. Isabelle Sorrente. Bonjour Charline. Quel est l'objet de votre thèse aujourd'hui? Aujourd'hui, une thèse sur les rêves lucides. Ah, très bien. Écoutez, on se concentre. Et bien sûr, à la fin de cette émission, comme tous les vendredis, celui que vous attendez tous, vous l'attendez toute la semaine. Frédéric Fromet, bonjour. Bonjour Charline. Alors, qui allez-vous dézinguer ce vendredi? Pour ma part, j'ai écrit une ode aux djihadistes verts. Ah, très bien. Voilà. Allez, si tu écoutes, j'annule tout. Est présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République, histoire de lui mettre la pression. Vous êtes né sous Charles de Gaulle, vous entrez aux Inrocks comme on entre en religion en 91, l'année de la première apparition télé de David Guetta. Je ne sais pas s'il y a un lien, si vous vous êtes dit, il faut que j'y aille. Vous publiez une histoire d'Étienne Daho en 2008, quand Nana Mouskouri met fin à sa carrière. Vous écrivez vos premiers billets durs dans les Inrocks en 2010, c'est l'année où Noir Désir se sépare. Et vous êtes... Je suis... Oui. Christophe Comte. Oh, Christophe Comte, le oui. Christophe Comte. Non, je suis pas Nabila, désolé. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Christophe Comte, donc journaliste aux Inrocks. Je crois bien, oui. Ah oui, le fameux billet dur, dès qu'on ouvre les Inrocks, c'est la première chose qu'on lit, bien sûr. Et puis, vous avez une bonne actualité dans les librairies, hein, puisqu'il y a par exemple... Mais on est plusieurs, en fait. Hein, oui, aussi, vous êtes plusieurs. La Française Pop, c'est paru chez Helium, avec les dessins et les aquarelles de Charles Berberian. Et puis, Mélanie Boer, vous nous parlerez tout à l'heure de l'autre ouvrage, c'est-à-dire l'anti-discothèque idéale. Vous aviez oublié. Non, non, pas du tout. Je vous oublie pas. Christophe Comte, parlons d'abord de la française pop avec les dessins de Charles Berberian. Il y a personne, il y a aucun artiste dans ce livre qui fait l'objet de billets durs dans les Inrocks. Il y a pas de concomitance entre les deux. C'est une bonne question. J'ai pas vérifié. Je crois pas. Non. Mais j'en ai fait. Ah, si, si. Il y a Jean-Luc Murat, par exemple. Ah. J'avais fait un billet dur. D'accord. Il doit y en avoir deux ou trois. Oui. Mais très peu. Très peu, oui, non, évidemment, j'ai plutôt parlé des gens que j'aimais bien dans celui-là. Uh-huh. Je peux pas détester tout le monde. Et d'ailleurs, il est assez épais pour quelqu'un qui déteste tout le monde, vous voyez, j'aime bien c'est quelques vrai. Personnes. Oui, tout à fait. Alors, comme un romancier met une partie de sa vie dans son œuvre, dans vos papiers, dans vos billets compilés ici dans la française pop, est-ce qu'il y a aussi une partie de vous? Parce que, par exemple, si on lit le papier sur Juliette Gréco que vous rencontrez à l'hôtel Lutetia, j'imagine qu'on a n'importe qui devant Juliette Gréco se sent un petit peu comme un enfant, comme un petit garçon. Tout à Donc, fait. Dans tous ces billets, est-ce qu'il y a aussi une partie de Christophe Comte au-delà du style, bien sûr? Alors, bon, déjà, c'est des articles, donc ils ne sont pas écrits à la première personne et j'essaye, dans les articles que je fais sur la musique, de ne pas être trop dans le narcissisme. Et là, en l'occurrence, ça m'est arrivé deux, trois fois, effectivement, de me retrouver face à des gens qui rayonne quelque chose qui est un peu surnaturel. Ça m'est arrivé avec Paul McCartney, qui est pas dans le livre parce qu'il est pas français, comme on le sait. Mais Juliette Gréco, c'était vraiment ça. Et puis la mise en scène était, enfin, c'est vrai que c'est un peu quand on est journaliste musical et qu'on rencontre Juliette Gréco, ça se fait un peu toujours de la même façon. Donc c'est pas une mise en scène qui est faite pour soi, mais c'est vrai que c'est souvent à l'hôtel Lutetia, qui est un lieu qui a quand même une importance pour elle. Et c'est souvent dans la pénombre. Et Juliette Gréco, c'est une immense chanteuse, mais c'est aussi Belphégor. Donc on a l'impression comme ça de rentrer dans un film un peu et c'était assez impressionnant, mais elle est extrêmement gentille, très douce et surtout très très très à vif, quoi. C'est pas quelqu'un qui fait son âge du tout. Quand on la voit, elle jure pas mal. Elle fait plus que son âge quand on la voit. Bon, je l'ai vue à l'époque, elle était plus jeune que maintenant, donc elle faisait moins que l'âge qu'elle a aujourd'hui. Je me mentirais. Alors, comme pour ça. Chaque artiste, il y a une forme d'analyse du parcours aussi. Donc, vous retracez, il y a du factuel, c'est là où vous retracez le parcours. Il y a un côté portrait, puis il y a votre prisme aussi, votre façon de voir les choses. Et votre style, pour ceux qui ne connaîtraient pas la plume de Christophe Comte, par exemple, quand vous parlez de Jacquenot, Jacquenot se retrouve batteur dans des groupes qui durent le temps d'un paquet de cigarettes. Mais il y a toujours du sens, vous tordez pas la formule au détriment du factuel, qu'on apprend que le surnom Jacquenot est hérité de Marcel Jacquenot. Mélanie Bauer, est-ce que vous savez sûrement? Absolument pas. Le dessinateur du logo des Gauloises. Exactement. Voilà. Un grand dessinateur, designer, comme on ne disait pas encore à l'époque, mais qui a dessiné comme ça pas mal de choses. Et puis au début du livre, vous vous aventurez dans un arbre généalogique de la pop française. Alors ouais. Ça, c'est aventureux et à la fois c'est très français, parce que vous avez voulu faire, un arbre généalogique, donc partir de cases et mettre les gens un petit peu dans des cases. Alors par exemple, si on prend Charles Trenet, il y a une ligne avec Jacques Higelin jusqu'à la Mano Negra et on finit avec Kali. C'est possible et on comprend en lisant votre ouvrage, la filiation. Comme tous les arbres généalogiques, il y a des moments où ça, voilà, il y a des familles qui sont un peu bizarres. Quoi. C'est sujet à controverse. Mais en fait, il y a plusieurs familles. Et la difficulté, alors disons que ce truc-là, je l'ai fait sur commande. C'est Étienne Dao qui avait été à l'époque rédacteur en chef des Inrocks et qui m'avait demandé de faire quelque chose autour de la pop française. Et je lui avais proposé l'idée de faire un arbre généalogique. Et donc, je me suis lancé comme ça avec un papier canson et puis des crayons à faire des familles comme ça. Et j'avais trouvé ces têtes de pont, comme on dit, avec Charles Trenet, je sais plus, Boris Vian. Il y en a un certain nombre. Il y a Léo Ferré, par exemple. Oui, Boris Vian, Pierre Henry. Henri Salvador. Et du coup, après, il fallait effectivement tracer des lignes et pouvoir faire entrer tous les gens que je voulais faire entrer. Alors forcément, il y en a certains qui rentrent un peu au chausse-pied. Mais quand on regarde, il y a quand même des corrélations assez étrange. C'est vrai que de Pierre Henry, on peut passer évidemment à tout ce qui est électro, etc. Enfin, c'est une espèce d'exercice de style qui n'a pas valeur scientifique, hein, mais je pense qu'on peut y retrouver quand même des choses assez. Oui, assez oui. Et justes. Puis de toute façon, en lisant l'ouvrage, on comprend les filiations et les liens qui peuvent exister. C'est pour Vizorek, hein, ça va lui faire un bien fou. C'est vrai. Il n'est pas là, mais il devrait. Mais il s'y connaît un tout petit peu. Mais attention, c'est la pop française. On ne retrouve pas tout le monde. Il n'y a pas de Belge. c'est que la qualité. C'est... Oui, il n'y a pas de génie, ça vous, vous le dites dans le début. Christophe Comte, journaliste aux Un Rock, et donc le livre La Française Pop, c'est paru chez Helium avec les très très jolis dessins de Charles Berberian. Pour ceux qui sont fans de pop française, vous allez vous régaler. Et puis il y a un côté un peu historique à cette histoire. Alors il y a un artiste qui n'est pas dans votre ouvrage, Christophe Comte, et c'est bien dommage, mais il pourrait y rentrer, comme sur la playlist France Inter, pourquoi pas. C'est un certain Frédéric Fromet qui sort son premier disque qui s'appelle Safromet. Et figurez-vous qu'il n'y a pas que la gratte, il y a aussi des arrangements. Et des jeux de mots. Et ouais. Allez, on écoute Frédéric Fromet avec les arrangements, un extrait de son disque, Je suis Bobo, et ensuite l'analyse de Christophe Comte, bien sûr. Si j'ai l'air si futé du type qui fume des pâtes, c'est que j'ai le permis B et je fais de la trottinette. Car si j'aime le chichon, je défends l'oxygène. Faut que tu vois mon balcon, j'ai mis une éolienne. Ouais, on est à Paris, à la pointe de tout. On est des petits génies, la gueule en biais c'est nous. Je connais un bistrot, super sympa t'inquiète. Le café 5 euros, si ça avec une sucrète. Allô maman, bobo. Maman, je suis bobo. J'ai un 16 mètres carrés, pas cher, tu vas pas me croire. C'était ça où j'achetais un château de la Loire. J'aime trop mon quartier parce qu'il est vivant. À minuit, un djembé nous endort doucement. Je suis bouqué, je t'ai pas dit. J'ai une sortie roller, j'ai mon cours de tai chi, un before, un after. Est-ce que je t'ai raconté mon trekking au Népal? Moi qu'on entend râler quand l'ascenseur est en panne. Allô maman, bobo. Maman, je suis bobo. Je suis tout décoiffé, comme tombé de mon lit. C'est hyper étudié, testé en soufflerie. Je suis tout mal fringué et je me trouve super beau. Je vous dis mon secret, j'ai braqué un clodo. Je fais toutes les expos, surtout quand elles sont laides. Je fais mon intello en admirant des merdes. Je mange des produits bio, j'ai acheté une courgette. C'est très bon pour le dos, mais il faut bien la mettre. Allô maman, bobo. Maman, je suis bobo. Quand je porte des lunettes, je les choisis carrées, grandes comme des fenêtres. Je suis une baie vitrée. Je travaille en freelance dans les vénementiels. C'est du boulot, tu penses, préparer des cocktails. Bien sûr, je suis de gauche. Bien sûr, je pousse un cri contre tous les trucs moches, comme le prix des sushis. Tiens, prends donc une verrine aux algos, aux lichens, une petite tartine. Ah non, y a du gluten. Allô, maman, bobo. Maman, je suis bobo. On fait des bébés, on leur donne des prénoms pour les punir d'emblée, Gaspard, Jules ou Léon. On leur explique tout comme s'ils étaient grands. La petite graine, pas du tout. J'ai niqué ta maman, je pourrais faire mille couplets, mais je vais être à la bourre. Je dois me faire poser une barbe de trois jours. Puis mon coach personnel m'a quelque peu déçu. Son bilan est formel, je suis un trou du cul. Allô maman, bobo. Maman, je suis bobo. Allô, maman, bobo. Maman, je suis bobo. Allô, maman, bobo. Maman, je suis bobo. Frédéric Fromet, merci. Je suis bobo. Eh oui. Mais ça met la banane, non? Bah ça parle de nous. Christophe Comte, vous êtes reconnu dans cette chanson ou quoi? Pas tellement, non. Non, la gorgette. Généralement, on ne pense pas. Je m'étais reconnu dans celle de Renaud, plus directement. Bon, alors là, il y a une filiation dans la chanson française, là, quand même. Allô, maman, je suis bobo. Oui. Souchon, tout ça. Sushi aussi. Non, moi, je suis ravie que vous ayez quand même gardé un petit peu de simplicité dans les arrangements. Ça m'aurait embêté que vous fassiez de la variété. Donc ça porte bien vos chansons. Bah, merci beaucoup. Voilà, l'album de Frédéric Fromet est disponible. Safromet est bien sûr une chanson originale à la fin de cette émission, bien sûr. Christophe Comte est venu pour ça d'ailleurs, n'est-ce pas Christophe? Christophe, vous publiez la Française Pop chez Helium. Et puis tout à l'heure, Mélanie Bauer nous parlera de l'anti-discothèque idéale. Et en attendant, bien sûr, l'information un petit peu spéciale aujourd'hui, parce qu'en l'absence d'Alex Vizorek et Guillaume Meurice, ça sera vraiment drôle. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Butch, au sein de l'émission, j'annule tout. Alexis et Guillaume étant absents, l'armée mexicaine des chroniqueurs prend le pouvoir. Et oui, ça, donc vous avez même oublié son prénom. Oui, Alexis. Très Alexis, bien. Non, Alex. C'est pas grave, écoutez. c'est de la presque info. Et en ce vendredi 4 décembre, journée internationale sans Alexis Vizorek, voilà. Et sans brève insolite, aucun cambrioleur ivre ne restera coincé dans son chihuahua. Et on commence tout de suite ce journal avec la lutte contre Daesh. Hollande se rend sur le porte-avions Charles de Gaulle déployé au large de la Syrie. Et c'est la panique chez Daesh qui aurait déjà déposé les armes. Merci Mélanie Bauer. On revient tout de suite à la suite de l'information. Dans les rayons de Noël, 16,5% des jouets contrôlés sont non conformes ou dangereux. Oui, bah c'est à se demander à quoi sert l'état d'urgence. Parce que quand on y réfléchit vraiment, si on se pose vraiment la question d'un point de vue technologique, oui. Technique, oui, alors philosophique... L'idée, c'est de faire une vanne derrière, puis c'est tout. Okay, très bien. Merci Samir Bouadi. Retour à l'information. Attentat. Que faire en cas d'attaque terroriste? Une fiche conseil du gouvernement, bientôt placardée dans les lieux publics, recommande de s'échapper et, si c'est possible, de se cacher. Et même pas un brin de causette avec les terroristes, alors. Parce que moi, j'aurais adoré leur parler de la statue de la liberté, qui est en réalité une paysanne égyptienne, ou de théâtre de la cruauté, ou de poésie. Je suis l'appelée le couteau, le but, si vous voulez faire une vanne, c'est tac, c'est comme un tweet, vous voyez, c'est un coup de scalpel. C'est rapide. C'est pas une thèse, quoi, voilà. Ah oui, non, mais là, c'était rapide. Pour moi, très bien. Retour tout de suite à l'information, bien sûr. Un enfant passionné d'astronomie a posé cette question à la Poste Royale Britannique. Combien de timbres faut-il pour envoyer une lettre sur Mars? Il s'agirait du fils caché de Grishka Bodganov ou d'Igor, avec qui on n'est jamais sûr. C'est un petit peu comme les frères Gallagher, on ne sait jamais qui est le plus bête. Vous ne pouvez pas vous empêcher de rajouter des trucs. La musique, ouais, toujours. Bodganov, ils n'ont pas chanté. Je vais rappeler Guillaume et Alexis. Après la décision de la Cour d'appel de Paris qui le condamne à rembourser 404 millions d'euros, Bernard Tapie se dit, je cite, « ruiné de chez ruiné ». Un sondage indiquerait que le contribuable, lui, est ravi de chez ravi. Alors moi, je Stop tiens à Non, c'est très bien. Merci, arrêtez-vous là, parce que comme ça, sinon, ça nique la vanne, vous voyez. D'accord. Et enfin, fiscalité, les députés s'attaquent au diesel. Oui, aussitôt, sur la twittosphère est réapparu le hashtag « Je suis un chien ». Oui, oui, je suis un chien. Oui, oui, je suis un chien. Lui, il a le droit, lui. Nous, on n'a pas le droit. Oui, je suis un chien. Stop. Je déclare l'état d'urgence et la fin de ce journal. Non mais il faut regarder les choses, non, Christophe Comte, sinon. Christophe Comte, est-ce que vous êtes mon allié? Complètement. Ah bon, bah voilà, comme ça. Désespéré, j'en ai. Et oui, chers auditeurs, cette émission cette est un peu spéciale. Cette mutinerie est quand même assez. Je sais pas si c'est à cause de moi, mais non, c'est à cause d'Alexis qui est pas là. Émission spéciale puisque c'est la journée internationale sans Guillaume Meurice et Alex Vizorek, ouais. Mais on reprend le cours normal de l'émission avec notre invité Christophe Comte qui nous accompagne sur France Inter jusqu'à 18h avec ce premier sujet. Voter, c'est urgent. Figurez-vous que c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. C'est aussi la une de La Croix qui titre « L'heure du vote ». La presse sonne donc l'alarme. Mais pourquoi, Cassandra? Pourquoi? Arrête, Johnny. Il est trop tard. Il faut me laisser une nouvelle chance, Cassandra. Non, Johnny, il fallait y penser avant. C'est trop tard. Vraiment trop tard. Mais non, il n'est pas trop tard pour voter aux élections régionales de décembre. Figurez-vous que c'est un spot du service d'information du gouvernement qui, originellement, est un spot pour rappeler qu'on pouvait s'inscrire un peu plus tard sur les listes. C'était jusqu'au 30 septembre. Le gouvernement qui est plein de créativité pour inciter les gens à aller voter. Alors, Christophe Comte, vous qui êtes journaliste, quand vous voyez beaucoup de la presse ce matin qui titre « Urgent, il faut aller voter, le vote » et qui parle du vote en général, pas spécialement des élections régionales, mais « aller voter, pourquoi ? Pourquoi l'abstention ?» etc. Vous vous dites « Tiens, on est vraiment dans un moment assez particulier, parce que l'abstention, finalement, c'est un mal français. On est dans un moment de panique, j'ai l'impression, surtout. Et j'ai l'impression que la presse, pour une fois, avec ces élections, prend un peu position. Même la presse assez neutre, on a vu La Voix du Nord. Beaucoup de gens, parce que le sous-titre quand même du Parisien, c'est « Aller voter pour voter, pour résister à la vague bleu marine qui nous attend ». Et je pense que c'est un peu ça qui est dans l'esprit de tous ces journaux. Qui commence à se dire quand même que voilà, à quelques jours du scrutin, il faudrait peut-être mobiliser les gens. Mais après, ça fait des années qu'on entend ça, c'est pas pour ça que les gens vont voter plus facilement. Mais là, vous sentez aussi cet appel, cette propagande de presse, finalement, pour le vote? Bah, c'est une propagande qui est plutôt saine, quand même, mmh. parce qu'appeler les gens à voter, c'est quand même un minimum. Moi-même, j'ai appelé à voter sur Twitter. C'est vrai? Alors, j'allais vous demander, est-ce que dans votre entourage, vous avez éventuellement des gens, abstentionnistes? J'ai fait un tweet parce qu'il y avait une dame, une femme de Marine Le Pen, qui a tweeté un truc du genre « Quand vous serez présidente », c'était écrit S-E-R-E. Ah oui, j'ai vu. Voilà, et elle finissait par « Alléluia ». Alors, ça voulait dire « Alléluia », mais c'était écrit. Et donc, j'ai tweeté ben, « Si tu votes pas, elle, son vote vaudra deux votes, en fait ». Oui. Et c'est vraiment ça, en fait. Il faut juste se dire que c'est très bien, « One man, one vote hein, », comme on dit, mais à un moment, quand on vote pas, ceux qui votent ont deux fois plus le pouvoir. Et c'est-à-dire que les abstentionnistes ont la clé du scrutin en main et que s'abstenir, c'est finalement encourager et booster le parti qui est donné gagnant. Bah, d'une certaine manière, j'ai l'impression que c'est des gens qui mobilisent mieux aujourd'hui parce qu'ils sont certains de leur vote déjà, parce que beaucoup d'autres gens, dont moi, ne sont pas vraiment certains de pour qui ils veulent voter, alors qu'eux, ils ont vraiment une conviction et aller voter, c'est vraiment rien, ça prend 5 minutes. Vous vous sentez perdu aujourd'hui dans le vote, là, dimanche, vous n'êtes pas sûr de... Bah déjà, les régionales, c'est pas quelque chose qui parle vraiment, parce qu'aujourd'hui, les régions, on a l'impression qu'elles font la moitié de la France, donc déjà... Elles ont doublé de volume. Voilà, elles sont à peu près comme les landers allemands. Donc on a du mal à se reconnaître vraiment dans une région, ce qui, pour moi, me dérange pas du tout, parce que le régionalisme, c'est vraiment le début du nationalisme, donc pour moi, les régions, c'est vraiment... l'appartenance à une région, ça me semble déjà un truc complètement absurde, mais... Puisqu'il y a des élections régionales, autant aller voter parce que c'est pas un vote pour la région. Je pense que la plupart des gens savent pas trop à quoi ça sert. Mais en revanche, au niveau national, ça pèsera un poids certain parce que à chaque élection, on a l'impression que ce parti qui était à 1% ou 2% quand on était gamin, aujourd'hui, est en passe de devenir le premier parti de France. Et ça, donc allez voter, mais réfléchissez bien avant et votez bien. Voilà. si vous votez FN, vous mettez un petit cœur sur le... Oui, c'est ça, voilà, n'hésitez pas à mettre des cœurs, des... Voilà, toutes ces choses qui permettent d'invalider le bulletin. voilà, Christophe Comte, le citoyen, le journaliste engagé aux Inrocks. Je rappelle, votre billet dur, évidemment. Chaque semaine. Mélanie Boer, c'est moi. Vous aussi, c'est la musique, c'est l'œil analytique. On a un petit peu, qui chatouille nos oreilles. Un petit peu en compète, sauf que je suis beaucoup plus célèbre que lui. C'est vrai. Démonstration. Donc je disais groupie tout à l'heure, mais c'est pas vrai, Christophe. Vous n'êtes pas vraiment une groupie. J'ai la preuve même que votre travail et le mien rendent plus intelligent et développent l'empathie. Depuis une vingtaine d'années, les scientifiques s'étonnent des vertus incroyables de la musique. Alors qu'on pensait que le cerveau gauche intervenait dans la logique et le droit dans les capacités artistiques, la musique bouscule toutes ces certitudes en étant une symphonie neuronale qui excite les quatre lobes cérébraux en même temps, notamment le cervelet et l'hippocampe responsable de la mémoire. Aujourd'hui, on travaille d'ailleurs avec les malades d'Alzheimer sur la question, car fait étrange, malgré la maladie, la mélodie reste. Et pourtant, quel pire ingrat que le public qui oublie, confond, se moque des souffrances du musicien, balance un disque à la cave ou dans un disque dur, dès qu'il n'est plus au goût du jour. Mais Christophe Comte, vous ne flanchez pas de la mémoire, vous écoutez beaucoup de musique, alors votre cerveau tient bon. Deux livres de vous à présenter aujourd'hui, l'antidiscothèque idéale, préfacé par le héros Bernard Lenoir, qui ne manque pas de citer Elvis Costello. Il est aussi absurde d'écrire sur la musique que de danser sur l'architecture. Et la pop française, illustrée magistralement par une autre groupie magnifique, le dessinateur Charles Berberian. Ces deux livres pourraient être des exercices paresseux de compilation de vieilles chroniques d'un journaliste mature, gonflé de l'orgueil de ses années de plume. Mais ce n'est pas le cas, on peut danser sur l'architecture, car la chorégraphie, c'est une architecture de soi. Christophe Comte, moi qui vous connais comme l'ours grognon, rabatteur de tort des réseaux sociaux, vous nous rappelez avec ces livres que vous êtes avant tout un amoureux de la musique, une groupie savante qui fédère, offre les clés nécessaires à la découverte et à la curiosité. En lisant vos chroniques, on se sent plus intelligent, plus cultivé et on a envie tout simplement d'écouter de la musique. Prenons par exemple Paul Williams dans l'antidiscothèque idéale, ce nom ne vous dit rien, et pourtant nous avons été pour beaucoup marqués par le film Phantom of the Paradise et le méchant magnifique briseur de talent jaloux, le producteur Swan. Eh bien, on se souvient ici, grâce à vous, de l'artiste qui, malgré sa petite taille, était un grand musicien. Mmh. was so far away, in the land if I told you so, lived a man named you'll get nothing from me. Ce que j'aime avec vos chroniques, Christophe, c'est qu'elles ne sont pas gonflées d'égo. Souvent, les journalistes confondent ce qu'on a appelé le gonzo-journalisme avec une forme de télé-réalité de la presse. Ils parlent de tout, mais surtout d'eux. Tantôt, nous culpabilisant d'être des incultes. Tantôt, nous racontons leurs anecdotes débiles de voyages de presse. Quand ils ne défoncent pas d'un revers de copier-coller des années... On connaît les mêmes, apparemment. Quand ils ne défoncent pas d'un revers de copier-coller des années de travail, simplement parce qu'ils se croient détenteur du bon goût. Il ne parle pas de ce qui nous intéresse, à savoir le parcours et la sensibilité de l'artiste. Vous respectez le travail du musicien et quand vous prenez parti, on n'est pas des groupies hein, tout de même, ce n'est jamais avec mépris. Dans La Française Pop, vous m'avez enchanté de subtilité avec Brigitte Bardot. Je cite, si seulement deux chansons devaient coller à la peau de bébé tel un bronzage éternel, ce serait à l'évidence La Madrague et Le Soleil, toutes deux écrites par Bourgeois et Rivière à quelques années de distance. Votre tendresse pour le sex-symbole Bardot, sa sensualité douce, nous invite à l'écouter pour qui elle était, plutôt que pour le cliché gainsbourgien ou cinématographique que l'on a d'elle, un rayon de soleil. Le soleil, que c'est bon. Il vient me brûler la peau. Je suis bien étendue. Elle doit être sur une peau de bête. Bref, on pourrait parler des heures, hein, parce qu'il y a deux pavés à explorer avec des perles, des artistes maudits, des destins, des mélodies, un arbre généalogique, on en parlait tout à l'heure, même dans la française propre, qui pourrait alimenter des heures de conversation. La française pop, hein, la française pas propre. Enfin, elle peut être propre, mais... Il y a qui sont un peu très propres, hein, ces artistes-là. C'est vrai. On me le reproche souvent, d'ailleurs. La française propre sur elle. Voilà. Des chefs-d'œuvre, hein, auxquels nous avons échappé dans l'anti-discothèque, Dashiell et Dayat, Paul Naref, Moondog, Brian Eno, vu par le prisme des disques qu'on a oubliés. Le mieux serait donc de quitter la chorégraphie de la mémoire pour l'architecture du souvenir avec un petit plaisir d'arrangement et de pop. Richard Davis et Eric Matthews, on est en 1994, Cardinal, un classique oublié qui est pourtant emblématique de ce que la pop deviendra plus tard, psychédélique, classique et élégante, et parce que c'est bientôt Noël. Cardinal, If You Believe in Christmas Trees. Listen to the sound that makes the world go round. My feet won't touch the ground in the world that let me down. My ship was sinking down. Just to never, ever. now forever. You pick me up and bring me down, down, down, down, down. If You Believe in Christmas Tree, Cardinal, donc on peut le retrouver dans l'anti-discothèque absolument idéale de Christophe Comte chez GM Éditions. Absolument. Et voilà. Et on peut réécouter la chronique de Mélanie Bauer aussi ah sur bon franceinter.fr. Mais je vous accorde, mais bien sûr. Je vais la réécouter tous les jours. Christophe Comte est avec nous, journaliste aux Un Rock, le fameux billet dur, bien sûr. Et puis, tiens, aussi la Française Pop, parue chez Helium. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h avec Isabelle Sorrente. Tout va bien, Isabelle ? Tout va bien, Charline. Avec Samir Bouadi. Et Frédéric Fromet qui se prépare pour la fin de l'émission, bien sûr. Et en attendant, bien écoutez, Samir Bouadi, oui. Bonne pioche. Bah, bonne c'est pioche. À votre tour. Bah, écoutez, je vais vous parler donc d'handicapés, hein, de handisport, qui veulent montrer que eux aussi sont des champions. Eh ouais, une bande de mythos, sans déconner. Non mais franchement, un type qui a pas de bras, qui a pas de jambes et qui se met à la natation avec des palmes, ça ressemble quand même un tout petit peu à un journaliste animateur de BFM TV qui prend une voix grave le soir avec des cheveux tout gris alors qu'il a 12 ans pour nous annoncer un débat sérieux à venir après la pub. Un handicapé qui se met au sport, c'est un peu comme un Bernard Tapie qui se met à chialer, quoi. On n'y croit pas, hein. Pourquoi tant de haine à lâcher le bel homme? Mais c'est pas de la haine, Bernard. C'était pas de la haine. C'est au contraire, c'est une preuve d'amour. N'allez pas vous noyer dans la piscine du contribuable. N'allez pas vous payer une cirrhose avec les millions du peuple. Vous faites n'importe quoi et on vous en veut pas. C'est comme ça. Vous êtes un handicapé des affaires. C'est tout. Point. On veut vous aider. Je vous parle comme à un ami, une sorte de coach responsable. Vous n'êtes pas bon en affaires. Vous n'êtes pas doué. Vous êtes meilleur chanteur. Je vous jure, quand vous repreniez quelque temps, j'aurais voulu être un artiste. Hein, on en parlait de la, tout ça. Et ben voilà, c'est fait. Il faudrait trouver dans l'arbre généalogique s'il apparaît pas. Tout est dit. Vous êtes un artiste ruiné de chez ruiné, comme tous les vrais artistes. Regardez Johnny. Une belle chanson. Une très belle chanson. Johnny, on voit même plus ses yeux tellement il a pleuré sur son pognon. Bon. Les handisports, c'est pareil, je m'explique. Je m'adresse à eux maintenant. Arrêtez vos conneries, c'est pas fait pour vous le sport. Le sport, c'est un truc sérieux. Bon, c'est vrai, trop souvent dévoyé avec des sponsors qui cherchent la thune, le résultat, mais c'est sérieux. Même le plus grand des handisports, Oscar Pistorius, l'un des seuls à avoir couru avec les valides, eh ben même lui, on lui tourne le dos. C'est comme ça. La société a besoin d'idoles, pas de bras cassés, qui veulent ressembler à tout le monde. Pistorius, ben voilà, il arrête la course, il se met au ball-trap et paf, un procès. Ah ouais. Bah c'est terrible. Il voulait juste, tu vas changer de sport, ça donnait à sa réelle passion, bah voilà, prison, quoi. Je vous le dis à vous les handicapés, hein. Les personnes à mobilité réduite, comme on dit, arrêtez ça. Les chaînes télé n'en veulent pas, ils y vont pas. On a essayé avec les JO, ça marche pas le handisport à la télé. Et pourquoi d'ailleurs, hein? Bref, posons-nous la question, vraiment la vraie question, qu'est-ce qu'un handicapé qui veut faire du sport? Bah, c'est juste quelqu'un que la vie a ralenti et qui cherche à reprendre sa respiration. C'est quelqu'un qui a pris le mur du silence en pleine vitesse et qui, depuis, fait vœu de mouvement en essayant de masquer sa douleur. C'est quelqu'un qui a passé de longues années à l'horizontale, à fixer un plafond blanc comme un ciel de nacre vicieux. C'est une jeune femme, un jeune homme qui pleure souvent et qu'on tente de faire rire. C'est un couillon bravage qui veut retrouver le courage de rire de lui pour mieux rassurer les autres. C'est un père de famille qui contient sa rage. C'est une mère seule qui pousse sur des roues, et c'est aussi un vieux qui dort mal, un enfant qui dort trop, un buveur qui râle, un râleur qui mange seul dans un appartement trop grand et tellement petit. C'est une crise d'angoisse permanente et une permanente envie de suivre le vent. C'est ça, quoi. C'est un geste qu'on dira plus et des pluies sournoises et froides qui coulent sur des coups vulnérables. En fait, c'est ça l'histoire. Bah oui, bah on comprend pourquoi ça marche pas à la télé, hein. Mais il y a trop de pudeur là-dedans. C'est con, hein. On se rend compte ici que nous sommes juste bons à ne pas voir que les handicapés qui font du sport nous écrasent de pudeur, nous fatigue de courage et nous humilie d'humilité. Alors, rendons hommage. Ben oui, c'est lassant, hein. Rendons hommage. Non pas à ces enfoirés de personnes à mobilité réduite qui vraiment nous les brisent, mais plutôt à ceux qui les encouragent dans cette voie perverse. Les salopards. Ben, je pense ici à André Vernet, ses potes, je vous en parlerai. C'est des anciens pilotes qui s'occupent de faire de la joëlette à des handicapés. Et je pense aussi à une jeune femme de 60 ans qui s'appelle Marie-France, qui nous donnerait ici facilement à tous des complexes de lenteur et d'immobilisme. Alors, ce week-end, c'est Téléthon. hein, et c'est surtout une bonne occasion de pas écouter d'autres handicapés qui ont déjà fait gagner une certaine candidate au régional. Voilà. Samir Bouadi, merci. Nous sommes en compagnie de Christophe Comte jusqu'à 18h. On va aborder avec vous le deuxième sujet. On passe à la friteuse, bien sûr. Sujet 2. Tiens, il y a un petit lien avec celui que vous avez cité dans votre chronique, Samir Bouadi. Oui. L'Odyssée des espèces sur un compte en banque. L'Iliade de la justice. C'est l'épopée judiciaire de Bernard Tapie contre le Crédit Lyonnais. La Cour d'appel de Paris a tranché hier. Tapie doit rembourser les 404 millions d'euros qui lui avaient été attribués par un tribunal arbitral. Alors Bernard, la semaine dernière votre bateau, aujourd'hui votre hôtel particulier, qu'est-ce qui vous reste? Ben attends, sévèrement burnel, nanar. Et c'est ça qui me reste, bonhomme. L'essentiel, mon moteur, ce qui m'a toujours fait avancer, la burne. Non, la burne. L'autre est hypothéqué. Eh oui, devenu monocouille comme Lance Armstrong. Le nanar. Bernard Tapie. Alors, cette nouvelle, on a l'impression qu'en France, ça a fait du bien à beaucoup de gens. C'est-à-dire, c'est vrai. Voilà, c'était vécu comme une injustice parce que les sommes sont quand même inconcevable, c'est difficile de concevoir ce que c'est que 404 millions d'euros. Moi je peux avec Fromet parce qu'on vend beaucoup de livres pour les petites gens comme vous, c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que Christophe Comte, vous faites partie des gens qui ont vécu cette nouvelle comme une catharsis, donc comme une reconfiance en la justice une... Ouais, je sais pas. Bah, de toute façon, cette affaire Tapie, et même Tapie en général, sa vie, son œuvre, c'est un jeu de Monopoly en fait. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Vous savez que vous tenez une idée, là, le Monopoly Bernard Tapie. Bien sûr, un coup la case prison, un coup il touche la case prison. Tout au milieu. Un coup, il est ruiné, il ruine les autres. Enfin, après, il se fait ruiner lui-même. Il achète des trucs. Non, c'est vraiment le Monopoly. Et après, alors moi, je comprends pas très bien parce qu'il dit qu'il a pas touché les 400. Donc, comment il va faire pour rembourser une somme qu'il a pas touchée? Ça va être compliqué quand même. Oui, mais il passe de 200 millions. Il dit qu'il a touché que 200 millions, mais qu'au final, il lui en reste que 20. Ça aussi, on comprend c'est pas. C'est la combine, nanana. C'est un peu une affaire de partout marchand de tapis. Et nulle part. Oui. Bravo. J'ai une intervention de Frédéric Fromet. La justice octroie quand même à Bernard Tapie 1 euro symbolique au titre de préjudice moral. Il ne pourra même pas chasser un ticket de métro. Quoi. C'est vraiment... Alors qu'il réclamait 45 millions d'euros au titre de préjudice moral. Il a peut-être demandé trop. Il demandait 1 milliard d'euros en tout. Quand même. Oui, bien sûr. Alors, jusqu'à, c'était une estimation large quand même. Il partait avec un cador qui lui a conseillé de lui demander. Hein. Oui. J'adore son avocat, moi. Bernard Tapie, Christophe Comte, c'est l'un des meilleurs clients du billet dur dans les Inrock. C'est un des clients, je crois que je l'ai fait une ou deux fois. Ouais. Eh bien, le voilà. Il est presque trop lui-même caricatural pour le caricaturer. C'est un peu le problème. Voilà, et en plus, je pense que les Guignols ont tellement déminé le truc dès le départ. C'est-à-dire qu'ils l'ont. Enfin, moi, j'ai du mal à entendre Bernard Tapie autrement qu'à travers les Guignols. C'est vrai que quand il parle normalement, il manque toujours un truc, quoi. Le côté de la burne et tout ça, c'est vraiment ça qu'on attend vraiment. Et là, c'est dommage, parce que dans l'interview qu'il a donnée, là, dans Le Monde, je crois, on n'entend pas ce côté Tapie vraiment. C'est un peu à la fin où il dit qu'il va se relever, qu'il a pas bien dormi, mais que là, maintenant, il va repartir. Ah bah, on s'attend au prochain épisode, bien sûr. C'est vrai on n'est pas sûr que ce soit l'épilogue, c'est vraiment. C'est un truc vraiment. Assez interminable, cette histoire. C'est Terminator, un peu. Et en plus, on n'y comprend que dalle, quoi. Faut bien dire ce qu'il y a. Il faut bien dire ce qu'il y a depuis 20 ans. On a un petit peu du mal à suivre. Et pourtant, il nous accompagne dans notre vie. On a l'impression de ne pas vieillir quand on voit Tapie devant la justice. On se dit, bon, tout reste quand même une certaine normalité. Mais vous avez raison, pardon, il est très très beau encore physiquement. C'est-à-dire qu'il ne vieillit pas. On a l'impression qu'on est figé dans notre jeunesse. Non, moi, je ne le trouve pas si beau que ça. Disons qu'il y a une sorte de minoteur dans le labyrinthe judiciaire. C'est comme ça qu'on peut conclure le sujet. Une transition qui annonce l'arrivée d'Isabelle Sorante, qui chaque semaine nous prépare une thèse, mais accessible à tous. Accessible à tous parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de rêves et plus particulièrement de rêves lucides. Voilà, donc accessible. Hein. Qu'est-ce qu'un rêve lucide, Charline? Alors, il y a quelques jours, j'ai rêvé que ma voisine, qui est infirmière dans la vraie vie, sonnait à ma porte et m'apportait un plat recouvert d'un tissu. Donc, dans le rêve qui oscillait, hein, comme souvent les rêves, entre quelque chose de très prometteur et quelque chose de vraiment inquiétant, je me demandais ce qu'il pouvait y avoir sous le tissu et je balayais absolument toutes les possibilités. Est-ce qu'elle m'apporte un poulet grillé? Est-ce que ce sont des bijoux de famille ou des morceaux de corps humain? Et c'est au moment où j'envisageais très calmement toutes ces possibilités comme si elles étaient absolument banales, que j'ai réalisé que j'étais en train de rêver. Alors, réaliser un rêve que l'on est en train de rêver, c'est ce qu'on appelle un rêve lucide. Alors, on en fait tous l'expérience en fin de cauchemar. Vous savez, au moment où on est poursuivi par un monstre, on dit « stop, c'est un rêve ». Et il y a ce très bref instant de lucidité à l'intérieur du rêve qui se termine d'ordinaire par un réveil en sursaut. Alors, le rêve lucide, ça consiste à prolonger cet instant où nous savons que nous rêvons, à profiter de toutes les possibilités du rêve, à voler, à voyager, à interroger le rêve surtout, sans pour autant se réveiller. Alors en Europe, l'un des grands explorateurs de rêves lucides a été Léon d'Hervé de Saint-Denis au 19e siècle. Comment va-t-il ? Il va très bien, il continue sans doute à rêver dans l'éternité et il avait d'ailleurs commencé à noter ses rêves à l'âge de 14 ans. Il les a notés toute sa vie. Léon d'Hervé de Saint-Denis a attendu la fin de sa vie parce qu'il n'osait pas. Hein. Il travaillait au Collège de France, c'était déjà très rationnel, pour publier de façon anonyme son ouvrage de référence, Les rêves et les moyens de les diriger. Alors, la pratique du rêve lucide, qui a inspiré des films comme Inception, par exemple, elle est courante dans d'autres cultures. Elle s'inscrit dans des traditions religieuses, comme par exemple chez les soufis ou dans le cadre du yoga des rêves dans le bouddhisme tibétain. Mais le rêve lucide n'est pas réservé aux mystiques. Il est aussi à l'origine de beaucoup d'œuvres d'art et de nos grandes découvertes scientifiques. Prenons un exemple que vous connaissez peut-être. En chimie organique, c'est celui d'Auguste Kekulé, le père de la chimie organique. Il était en pleine recherche. Et voilà qu'Auguste s'endort devant le feu de sa cheminée et il rêve de la structure cyclique de la molécule de benzène. Alors, bien malin, comme ça, il se réveille, il note et il avait trouvé le truc. Ben oui, ça nous arrive en fait à tous. Mais alors, il s'est bien gardé de dire à ses collègues que la solution lui était venue en rêve au coin du feu. Il avait peur de se décrédibiliser, cet homme-là. Et il l'a avoué des années plus tard, quand il était vieux, à un banquet donné à son honneur, parce qu'il avait craint que ce genre d'aveu le décrédibilise. Même aventure pour un prix Nobel, Otto Lewy, qui lui a découvert la transmission chimique de l'influx nerveux en rêve. C'est encore pire, il rêve une première fois. Il sent que c'est important, il se réveille, il s'en souvient pas, il a la haine. Et le soir même, il se dit, il faut absolument que je re-rêve de cette histoire. Il en re-rêve, il note tout et c'est bon. Alors, notre raison viendrait-elle du rêve? Je pourrais vous citer encore plein d'exemples de ce genre-là. Alex Vizorek avec Nabila. Oui, par exemple, il a peut-être un rêve lucide. Dupont-Aignan aussi, Dupont-Aignan. Ah oui, il fait des rêves lucides. Ah, de révolution, c'est juste. Ah oui, oui. Et donc, Descartes, voilà. On dit qu'on est cartésien, mais la vocation de Descartes, elle lui est venue d'un rêve lucide dans la nuit du 10 au 11 novembre 1619, qu'il a noté, René Descartes a rêvé qu'il devait consacrer sa vie à chercher la vérité. Alors moi, ça me fait planer, parce que j'imagine une uchronie démentielle. Imaginez ce qu'aurait été notre Occident, notre pensée occidentale, si Descartes avait dit, au lieu de « je pense donc je suis », « je rêve donc je pense ». Tout aurait été absolument différent. Et alors, si vous voulez en savoir plus pour nos auditeurs sur les techniques de rêve lucide, rendez-vous par exemple sur le site de l'association Oniros ou sur la communauté internationale dreamuse.com. Mais ce qu'il faut retenir, au-delà des choses pittoresques, c'est que nous sommes tous des rêveurs lucides en puissance. Le rêve lucide est une faculté de l'esprit humain. Une équipe de neurologues a relié cette capacité au cortex préfrontal antérieur, qui est aussi associé à la conscience de soi. Donc bien rêver, ça permet d'être soi. Bien rêver, ça permet de créer. Bien rêver, ça permet de mieux penser. Déjà, il faut bien dormir. Il faut bien dormir et bien rêver. Et une pensée créatrice, c'est ce dont nous avons cruellement besoin pour nous éveiller de ces deux cauchemars que sont le réchauffement climatique et Daesh. Alors n'arrêtez pas de rêver, n'arrêtez surtout pas maintenant. Notez vos rêves tous les matins, faites comme nous, c'est sérieux le rêve et c'est la meilleure façon d'innover et de changer le monde. Merci Isabelle Sorrente. Le mieux c'est la sieste. Tout la sieste et le rêve lucide pendant Christophe la sieste. Quand vous disiez ça m'arrive tout le temps. Vous avez des idées. Le benzène, non je sais pas quoi. Ah d'accord. Quoi, le benzène, vous avez tout le temps de benzène, du robot. Est-ce que ça vous arrive? Moi, ça m'arrive souvent. Et ça se manifeste comment? Vous avez une idée de, je sais pas, de phrase, de chronique, de concept? Il y a des choses. C'est assez étonnant de s'endormir avec une idée et de voir le chemin qu'elle peut faire pendant toute la nuit. Et en fait, le rêve lucide, c'est ces moments où on se réveille un petit peu, mais on se dit qu'on se rendort et on reprend et on tord le rêve pour qu'il aille dans la direction où on a envie qu'il aille. Mmh. Et ça, c'est assez jouissif. C'est comme ça que Paul McCartney a composé Yesterday. Exactement. Ah oui. Ouais, beaucoup de musiciens utilisent. Il s'était réveillé le matin, il avait écrit les paroles. C'était scrambled eggs, c'était brouillé parce que comme c'était ce qu'il allait manger, il avait écrit ça et c'était la mélodie. de Yesterday. Il est persuadé qu'elle existait déjà en fait. Et là, le réveil sonne, et c'est le troisième sujet. Dans le nouveau calendrier Pirelli, il n'y a plus de Natacha, de Svetlana, ou de Clara Dupont-Mono. La pin-up cède la place à, je cite, la femme remarquable, emblématique de la réussite professionnelle, sociale, culturelle, sportive et artistique. C'est le cahier des charges confié à la photographe Annie Leibovitz, une méthode différente de celle du précédent photographe de Pirelli, donc. C'est pas des photos à caractère sexuel. Attends, écoute, ma fille, si ça t'intéresse, tu as mon numéro qui est là. Si ça t'intéresse pas, au revoir, messieurs, bon week-end. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Enfin, y a un moyen, comment je... Tu vois? Y a un moyen de tout. Tout est négociable, je dis. Il n'a pas un plan tarifaire avec les prix, hein. Est-ce que t'es épilé? T'es pas épilé? Est-ce que t'as des copines? T'as pas de copines? En tout cas, ils t'ont pas loupé, là. Je sais pas si c'est un cheval ou une truie, mais... Avec ta tronche ou quoi? Bon, c'est faire un bouquin sur Halloween, si tu veux, hein. Connard! Le monsieur avec le léger accent belge, il s'appelle François Damiens, dans un excellent film qui s'appelle Dick Neck. Le calendrier Pirelli, donc c'était dégonzer sa poêle. C'est quoi? Alors, c'est un calendrier fait pour les clients. Pirelli, c'est les pneus. C'est un truc très mythique avec des très très belles jeunes femmes qui posaient lascives sur du très très beau papier. Nus avec de grands photographes et des mannequins qui posaient. C'est important parce que tout le monde en parle comme si c'était même dans la presse. Comme c'est si c'était. Vous n'aviez pas entendu parler du calendrier Pirelli? Moi, dès qu'il y a une bonne femme à poil, je. Christophe Comte, le calendrier Pirelli, c'est un marronnier de la presse. Là, moi, je pense surtout aux pauvres routiers qui vont se retrouver avec Yoko Ono. Effectivement, expliquons deux mots. Alors, vous pouvez décrire peut-être Yoko Ono qui pose devant l'objectif d'Annie Leibovitz. Yoko Ono, elle est donc avec des barésies, vous l'avez dit, des talons hauts, elle a un chapeau haut de forme, elle a une espèce de Spencer un peu bizarre, on ne sait pas trop ce qu'elle a dessous. Il y a un demi-sein qui jaillit un peu. Et une tête de vieille. Voilà, et alors il y a aussi Serena Williams dans la page précédente. On a vu les photos dans VSD cette semaine avec une musculature très imposante. Bon voilà, donc Pirelli a réussi à faire parler de lui en rhabillant les femmes. Tirez-en les conclusions que vous voulez pendant un rêve lucide si vous voulez. On l'a rêvé, il est là, Christophe Comte, il est revenu avec sa guitare. C'est Frédéric Fromet. Eh oui, bonsoir. Alors c'est la COP21, c'est l'état d'urgence, il est donc normal d'assigner à résidence quelques dangereux écologistes. Moitié soja, moitié tofu, que du bio, peu importe le goût. Bioman, petit djihadiste vert. Moitié quinoa, moitié boulgour, intégriste du topinambour. Bioman, barbare des toilettes sèches, en Syrie Daesh. Toi c'est plutôt l'Ardèche. Bioman, barbu et en sandales, il y a eu Ben Laden. Toi c'est plutôt Ben la graine. Bioman, petit zadiste tout pâle. Toi qui fais ton pain sans gluten, toi qui bandes pour 72 éoliennes. Bioman, martyr de la couche d'ozone. Tu te ferais sauter pour un potiron dans un sac en papier marron. Bioman, héros des poubelles jaunes. Dans ta yourte, tu espères adopter un ours polaire. Bioman, campeur radicalisé. Toi qui décapites les plantes transgéniques. Bioman, terreur des potagers. Toi qui prône une douche par trimestre, toi qui a Pierre Rabhi pour prophète. Bioman, pecno de l'univers. Toi qui te caches dans une grotte, toi qui tuerais pour un jus de carotte. Bioman, terroriste en Sarouel. Conclusion, vous aurez deviné que ce torchon a été commandé par Monsanto, Areva, Total, etc. Merci. Merci beaucoup. Frédéric Fromet et sa chanson de la semaine. Merci Frédéric. J'espère que vous faites pipi sous la douche. Pas du tout. Ah bah, il faut. Ah bah oui. Et puis rappelons peut-être qu'en cette COP21, à France Inter, on serait content si on pouvait trier le papier. Parce que figurez-vous qu'on jette toujours le papier dans la poubelle ici. Ce serait peut-être pas mal. Voilà, c'est un petit message comme ça, hein, profitons-en. Christophe Comte, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous. J'attendais ça depuis si longtemps. C'était joyeux et intéressant avec vous. Alors, je rappelle la chanson. Ah bah non, la Française Pop. Ah, ça y est, ça c'est le rouge qui fait son effet. Hein. La Française Pop, c'est paru chez Helium, coédition Radio France. Et puis aussi l'anti-discothèque idéale, Christophe Comte, chez GM Édition. Et tiens, La Française Pop, bien sûr, avec Charles Berberian, parce que les dessins sont vraiment magnifiques. Merci à tous d'avoir passé cette émission un peu spéciale, mais beaucoup plus drôle finalement. Oui. Hein. Sans aller, si allez, c'était mieux. Le mot de la fin aux abstentionnistes. Je m'en fous comme de l'an 40. Mais alors je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre.